حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Voilà, je vous cache pas, aujourd'hui je crains des coupures. Depuis tout à l'heure j'essaie de me connecter et ça coupe souvent. Alallah, nasta'in billah azza wa jal, on fait ce qu'on peut. D'accord, mais je vous cache pas, je crains qu'aujourd'hui ce soit assez ça ne soit pas fluide. Allah alam. Donc, de la dernière fois, on avait pris deux hadiths. Le hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu, et le hadith de Jabir. Le hadith de Jabir, à travers lequel on a vu cinq particularités du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith de Abu Huraira, à travers lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseigne trois choses sur lesquelles il doit persévérer et être régulier, constant. D'accord. Qui était le witr, qui était de jeûner trois jours par jour au minimum, et qui était la salat du Duha. Al-An, ça nous trouve le hadith al-thamin al-ishrin, 28e hadith. Yaqul an Abi Hurayra radiyallahu anhu, qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna dina yusrun, walan yushad ad-din ahadun illa gharabah, fasaddidu, waqaribu, wabshiru, واستعينوا بالعدوة وروحة وشيء من الدلجة متفق عليه. سورة أبو هريرة رضي الله عنه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que la religion est facile et qu'aucune personne ne la compliquera, n'en fera trop sans que la religion ne le domine, ne finisse par le dominer. Alors faites les choses justement. Et au pire, approximativement. Et réjouissez-vous, c'est-à-dire de la récompense de cet acte. Et recherchez de l'aide par, comme des pauses qu'il y aurait en matinée ou en fin de journée ou la nuit. Ça va expliquer, ça, Inch'Allah, ces termes-là, par la suite. Taïeb. Yaqulu al-mu'allifu rahimahu wa ta'ala. فقال إن الدين يسر. Donc certes la religion elle est facile. أي ميسر مسهر في عقائده وأخلاقه وأعماله وفي أفعاله وتروكه. فإن عقائده التي ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هي العقائد الصحيحة التي تطمئن لها القلوب وتوصل معتقديها إلى أجل غاية أفضل مطلوب. Donc il a dit cette religion elle est facile, elle a été facilitée, qu'il s'agisse tant de la croyance à avoir, tant des comportements à adopter ou tant des œuvres à accomplir, dans tout. Et cette croyance c'est celle qui constitue, ou plutôt qui consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit beau ou mauvais. Telle est la croyance authentique, celle par laquelle ça pèse le cœur, celle qui est claire et celle qui amène celui qui la possède à la meilleure des destinations. Ah, j'ai oublié de lire dans le hadith, il y avait écrit également à Fouen wa fi lafzin wal qasd dal qasd tablughu. Non, à la fin du hadith, quand il a dit de chercher de l'aide comme une forme de pause au matin, en fin d'après-midi et en soirée, il dit la destination vous atteindrez. D'accord ? Ou l'objectif, on pourrait dire comme ça. Afwan, j'ai oublié de lire cette partie-là du hadith. Donc cette croyance, elle est facile à adopter. Très facile à comprendre. La foi en Allah Azza wa Jal, c'est une chose qui est facile à acquérir. Ce qui a rendu compliqué son apprentissage, justement, ce sont les gens qui en ont fait trop, qui ont exagéré. Les innovateurs, qui ont tenté d'interpréter des choses qui sont ininterprétables, qui ont tenté de prendre une voie autre que celle des salafs. Et de là, ceux d'après eux se sont vus contraints de devoir apprendre leurs erreurs pour pouvoir les contourner et les éviter. Ce qui a rendu la chose plus difficile. Sans quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, lui-même n'a pas fait de réfutation détaillée à ces sectes que l'on voit aujourd'hui, par exemple, qui ont des déviances dans la croyance. Parce qu'à leur époque, ils n'existaient pas, ces gens-là. Mais, quand il nous a appris la croyance, il a appris tout ce qui suffisait à pouvoir comprendre. Comme ça, le jour où ces sectes apparaîtraient, on aurait des éléments pour pouvoir les réfuter. Mais il n'a pas fait de choses détaillées comme les savants l'ont fait par la suite pour réfuter ces gens-là. Car à la base, les sahabas n'ont jamais de problème dans ce domaine-là, des noms et attributs. Ils croyaient directement. La croyance, elle était saine et pure. Et c'est la croyance que devrait avoir chaque musulman de base. Sans laquelle, il ne parviendra pas justement à l'apaisement. Et tu verras que les gens de la bid'a sont des gens qui sont parmi les plus perplexes, les plus inquiets et les plus qui doutent le plus. Ils ne sont jamais stables. Tout en dans le doute, à se poser des questions, à se mettre en question sur des choses qui, à la base, devraient rester et les rendre fermes. Parada truf et takalluf. Takallafuf bi ashia. Taïeb, laissez-le net din. Ils sont surchargés de choses et de questions qui ne font pas partie de la religion. La religion, elle est facile. D'accord? Si Allah Azzawajal te dit telle chose à son sujet, tu y crois. Il n'y a pas de comment. D'accord? Il n'y a pas de comment. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ou même de son cheikh Rabi'a, qui ont cet homme qui a demandé à propos de l'istiwa, qui est de l'élévation. Il a dit, l'istiwa ma'loum. Tu vois? Le sens de l'istiwa, il est connu. Ou le kefiya majhoul. Et le comment est ignoré. Ou l'iman bi wajib. Et en y croit en cela, est obligatoire. Ou soul anhu bid'a. Et interroger à ce sujet-là, le comment est une innovation. Les sahaba n'ont jamais demandé comment lorsqu'il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs et autre que cela. Donc cela, à la base, est facile à croire. Mais des gens en ont fait trop et à cause d'eux, aujourd'hui, on doit apprendre des choses qui certes font partie de la religion, mais qui à la base sont juste un surplus pour ne pas se faire tromper par leurs ambiguïtés. Car eux-mêmes n'ont pas suivi cette facilité de la religion. Ils se sont compliqué la tâche. Soumakol, donc là après il va parler à propos mesalène des obligations qu'on a en religion. يقول أما الصلوات الخمس فإنها تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات في أوقات مناسبة لها وتمم سهولاتها بإجابة الجماعة والاجتماع لها. Donc les cinq salawat par exemple que l'on fait, ce sont des salats qui se répètent de jour comme de nuit, cinq fois, dans des temps précis qui leur sont appropriés. D'accord ? Et elles sont faciles d'accomplir. Même le regroupement à avoir, le fait de se réunir pour les hommes particulièrement dans le masjid, de base, c'est une chose qui est facile. D'accord ? Quand la religion elle est bien appliquée et que les moyens sont mis en place, cela est facile à accomplir. Et justement, c'est ijtima'at, le fait de se réunir pour la salat, c'est une chose justement qui motive et qui facilite. Vous verrez que les gens qui font la salat seuls, isolés, ont plus de mal que ceux qui la font en groupe. Pour exemple, regardez les frères pendant les jours de la Covid. Pendant les jours de la Covid, lorsque les masajid ont été fermés. Regardez bien comment cela a été plus lourd pour les gens que de se rendre au masjid. En réalité. Et que la salat paraissait elle-même plus lourde à accomplir que la salat au masjid en groupe. Et là, on parle des salawat obligatoires, bien sûr. On ne parle pas des salawat nawafil. Donc, à la base, ces choses qu'Allah Azzawajal nous demande de faire, c'est pour nous faciliter. Des fois, on s'en rend pas compte. Des fois, des gens, ils ont un côté de paresse de ne pas se rendre au masjid. On se dit, arrêtez de se rendre au masjid. Cela, justement, la marche que tu fais, tout cela, cela te yunashito, cela te rend plus actif. Tu arrives au masjid, tu es chaud. Tu es actif, tu as marché, tu as réfléchi, tu sais où est-ce que tu vas. Tu arrives à la salade, hop, t'es prêt. Et quand tu repars, tu te sens bien. Mieux que lorsque tu l'as fait tout seul chez toi. Hey, naam. Donc, toutes ces choses-là, en réalité, sont là pour nous faciliter, nous paraissent comme étant des fois des charges, et en réalité non, elles sont là pour nous faciliter. يقول وما الزكاة فإنها لا تجيب أو لا تجيب على فقير ليس عنده نصاب زكوي. Quant à la zakat, elle elle n'est obligatoire que pour celui qui a atteint le nisab, c'est-à-dire le seuil à payer, et dont la somme aura fait un an avec lui. وَإِنَمَا تَجِيبَ لَلْأَغْنِيَ Cette zakat n'est obligatoire, elle n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas juste qu'Allah Azzawajal a imposé à chacun, mais aux gens qui ont les moyens, et qui ont amplement les moyens. Quand on voit justement ce qu'on sort de la zakat comme rapport financier, on voit que ce n'est rien du tout. 2,5% de ta somme. 2,5. On dit que tu aurais 1000 euros, tu sors 25 euros. Tu sors 2,5 euros. C'est rien du tout. D'accord ? C'est rien du tout. Ou plutôt 25 euros, Afouane. Non, j'ai fait un mauvais calcul. C'est quoi ? Ça représente quoi 25 euros sur 1000 euros ? C'est rien. C'est rien du tout. Et il explique également par la suite que cette zakat, justement, permet, en réalité, c'est un bienfait pour les gens et pour leur argent. Cela purifie leur argent et met la baraka dans leur argent. C'est-à-dire que cette chose-là, c'est un bien pour eux et ça leur facilite la vie par la suite. Mais cela, ce sont des choses qui sont abstraites, qui ne se voient pas forcément. Les gens qui paient leur zakat, comme il se doit, et quand il se doit, et donnent l'argent à l'ayant droit, ces gens-là voient les fruits de leur argent par la suite. Cela n'apporte aucune réduction. Peut-être même que leur bien se multiplie encore plus par la suite, Kanyabaraka. Alors que les autres, tu les vois comme ça, comme des grippes sous, à compter les moindres sous et ne pas vouloir lâcher. Ben, ces gens-là, même s'ils sont fortunés, ils se voient comme étant pauvres qui n'ont rien du tout. Et ils vivent dans la gêne. Même il a des milliers d'euros, il n'est pas bien parce que il n'y a pas de baraka dans, c'est bien. La moindre dépense le voit comme une faillite, comme une perte. Donc payer la zakat est une chose qui est facile à la base et qui est légère et qui apporte un grand bien pour celui qui paye, pour l'argent de celui qui paye et pour celui qui la reçoit. Ça permet justement de régulariser la situation des gens dans le monde. Par exemple, souvent les gens disent dans le monde il y a des injustices sociales, des gens riches, des gens pauvres. On dit oui, c'est une chose qu'Allah Azzawajal a voulu. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fi rizq. Allah a préféré certains à d'autres dans le risque. Mais il a mis des règles pour que celui qui a plus d'argent également d'une part aux pauvres. Comme les ulama, ils ont dit, si chaque riche sur terre paye sa zakat comme il se doit, il n'y aurait pas de pauvres sur terre. Du moins, quand on dit pauvre, il n'y aurait pas de gens dans le besoin. Il y aura toujours des gens plus riches que d'autres, mais tout le monde aurait le minimum qui suffit à vivre et avoir un minimum de confort. Tout le monde l'aurait. Mais comme ce n'est pas appliqué, ça amène à ce genre d'injustice. وَمَا الصِّيَامُ فَإِنَّ الْمَفْرُوضَ شَهْرٌ وَاحِدٌ مِنْ عَامٍ كَامِلٍ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ فَيَتْرُكُونَ فيه شهواتهم الأصلية من طعام والشراب ونكاح في النهار ويعوض الله عن ذلك من فضله وإحسانه تتميم دينهم وإيمانهم وزيرة كاملهم وكمالهم وأجره العظيم. Donc le siyam, ce jeûne que l'on a annuellement, c'est quand ? Une fois par an. Sur 12 mois, un seul mois on doit jeûner. Et quand on jeûne, en plus, c'est juste du lever du soleil au coucher du soleil. Ce n'est pas toute la journée en continu. Et en plus, ce qui facilite, c'est qu'on le fait tous ensemble. Regardez bien, pareil, quand quelqu'un fait un siyam surrogatoire en dehors de Ramadan, cela est plus difficile, car il est tout seul. D'accord ? Et c'est une chose qu'il fait de lui-même. Alors que le siyam de Ramadan, en réalité, il est facile. Peut-être que les premiers jours, on ressent une certaine difficulté, pour ceux qui ne sont pas habitués à jeûner. Mais après, alhamdoulilah, ça coule tout seul. D'accord ? Et on parle de gens qui sont sur l'istiqama, qui font la salat et tout. Mais quant à ceux qui font juste à Ramadan comme ça, mais ils font pas la salat, ils font rien derrière. Oui, pour eux, c'est une torture, c'est un châtiment, c'est un fardeau. Ils comptent les heures. Leur seule envie, c'est de rompre le jeûne. Et en plus, quand ils arrivent à rompre le jeûne, c'est même pas en mangeant. C'est avec des choses haram, comme vous le savez. On parle pas de ces gens-là, là. On parle de gens qui appliquent la religion. Et ben, eux, vous verrez que même, ils ont plaisir à aller au mosquée pour faire tarawih. Pour faire plus encore. À la base, tarawih, c'est pas obligatoire. Mais ce jeûne leur a donné une force de vouloir avoir encore plus de ajr. Donc en réalité, c'est une facilité pour eux. Faire tarawih quand on a jeûné la journée, c'est plus facile en vrai. Si demain, on te prend une journée sans sixième, on te dit faire une salade de nuit. Regardez déjà combien d'entre nous font la salade la nuit, quotidiennement. Très peu. D'accord ? Très peu. Et parmi eux, qui est-ce qui jeûne ? Très peu. Alors que là, les hommes jeûnent tous la journée, ainsi que les femmes. Et le soir, bifadlaï ta'ala, ils ont envie d'aller faire ces salawat. Ça prouve bien que le jeûne est une facilité pour eux, qui amène à pouvoir faire d'autres choses. En plus, ce jeûne, comme vous le savez, il a d'autres, Il apporte d'autres privilèges, même sur la santé, qui sont très bons, en dehors de cela. Et il amène à des sentiments de compassion. Celui qui jeûne, c'est enfin ce qu'éprouve une personne qui a faim, une personne qui a soif. Donc cela le rend plus miséricordieux, le rend plus compréhensif et plus tolérant vers les autres. D'accord ? Donc cela nous facilite la vie, en réalité. طيب يقول وما الحج فإن الله تعالى لم يفرض إلا على المستطيع في العمر مرة واحدة وفيه من المنافع الكثيرة الدينية والدنيوية ما لا يمكن تعداده قط حج également ce حج regardez bien ce حج on ne le fait obligatoirement qu'une fois dans la vie pour qui peut le faire ce n'est pas tout le monde qui peut le faire car souvent on voit les gens se plaindre et dire « Ouais, le hajj, il coûte cher, il y a ceci, il y a cela, les agences, ils nous escroquent, il y a des problèmes avec les visas. » On dit tout cela, prête pas attention à ça. Ce que tu fais là, c'est pour Allah, Azzawajal. Si des gens t'escroquent, ton droit te sera rendu au Qiyamah. Toi, tu auras rempli une obligation et un des piliers de l'islam, il n'y a aucune perte. Même demain, on dit qu'ils t'auront escroqué, il n'y a aucune perte pour toi en réalité. Tu es gagnant. Et que Allah, ce bien que tu as donné pour lui, te le rendra en décuplé. Et les gens qui ont fait le hajj, tous le voient comme une chose qui est grandiose dans leur vie. Une expérience unique, à tel point qu'ils sont prêts à recommencer, à le faire s'ils pouvaient tous les ans, tellement ils voient que la chose est importante. S'ils avaient les moyens, ils disent tous les ans je ferai le hajj. Avant, le hajj ne coûtait pas grand chose pour nous financiers, mais c'était un long voyage à entreprendre. Des fois, les gens partaient à pied des mois à l'avance pour arriver pour le hajj. Aujourd'hui, tu es en quelques heures dans un avion confortable, ou en bateau, ou en voiture. Donc le prix à payer aujourd'hui sera autre chose, ce sera une somme d'argent. Les musulmans à l'époque, ils n'avaient pas l'argent qu'on a aujourd'hui. Tu aurais dit à un musulman à l'époque de sortir 7000 euros, 8000 euros pour un hajj. Ils n'avaient pas ça. Avant, les sahabas, ils avaient un seul vêtement. Des fois, ils n'avaient même pas de sous-vêtements en dessous tellement ils étaient pauvres. Aujourd'hui, on a combien de vêtements dans les armoires? Combien de kamis? Combien de paires de chaussures? Combien de paires de chaussettes? Combien de caleçons? Combien de t-shirts? Combien de djilbab pour les sœurs? Combien? Les musulmans n'avaient pas cela auparavant. Et pourtant, le hajj, ils le faisaient comme on le fait aujourd'hui. Et peut-être certains le faisaient plus que nous. Donc, dépenser pour cela n'est pas une perte. Allah, il le remplacera. Et ce hajj apporte des bienfaits immenses dans la vie. Lorsqu'il est fait, déjà en premier lieu, il efface tout ce qu'il y avait auparavant comme péché. Comme a dit le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, « Alam ta'alam man al-islam yahdima qablahu, wa an al-hajj yahdima qablahu, wa an al-hijrata yahdima qablaha. » Il a dit à ce sahabina, « Tu n'as pas su que l'islam efface tout ce qu'il y avait avant, que le hajj efface tout ce qu'il y avait avant, et que la hijra de même. Et là, ça ne concerne pas les droits des gens, bien sûr. Ça dépend que le mal que les gens ils ont fait auparavant, cela efface tous les péchés, même les grands. Après, il y a une divergence. Les ulémas disent que les petits péchés. Quand on voit le hadith, il est général. Ça concerne également les grands péchés. Sauf ce qui touche aux droits des gens, bien sûr. Si demain, tu as fait du mal à quelqu'un, dis pas, j'ai fait le hajj, j'ai volé quelqu'un, je rentre, c'est pardonné. Non, tu dois rembourser la personne. Ou autre. D'accord ? Ça ne concerne pas les droits des autres. Mais la justice qu'on fait à soi-même, ces adorations-là, les efface. Donc regardez bien, la religion, elle est facile. Ce que Allah Azawajal le monde de faire, c'est pour notre bien, par la suite. طيب. وَقَمَا قَالَ تَعَالَى يُرِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ Que Allah veut pour vous la facilité et non pas la difficulté. Voyez, donc cette salawat par exemple que l'on fait, elle a des piliers, des conditions. Mais si on est malade, eh bien cette salat nous est allégée. Si on est en voyage, cette salat nous est allégée. Si on n'a pas d'eau, on fait le tayammum. La religion, elle est facile. D'accord ? La religion, elle est facile. Tout est mis en place pour que les choses soient en notre capacité. Ensuite, il dit... وَلَنْ يُشَدْ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَى غَرَبَهُ Que nul n'en fera trop en religion ce que la religion le domine. فَمَنْ قَوَمَ هَذَا الدِّينَ بِشِدَّةِ وَغُلُوٍ لَمْ يَقْتَصِدْ غَرَبَهُ الدِّينَ وَاسْتَحْسَرَ وَرَجَعَ الْكَهْكَرَ وَلِيَذَا أَمْرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ الْقَصْدِ وَحَثَ عَلَيْهِ Donc tu verras que les gens qui en font trop en religion, qui exagèrent, ils finissent par abandonner. Et repartent en arrière. Vous voyez, les gens souvent ils sont durs dans la religion. Vous voyez, ils sont stricts avec tout le monde. Et un jour, vous les voyez, ils sont revenus au point de départ, ou même ils deviennent pires qu'avant, ils lâchent tout. Ça, ce sont les conséquences de l'exagération, ce qu'on appelle le rouleau. Toute personne qui en fait trop en religion finira par tomber. Car cette religion-là, c'est une religion de modération. Les modérés, comme on dit, c'est pas ceux qui se disent modérés, là, qui font des choses à moitié et qui lâchent plein d'obligations, ils disent « je suis modéré », non. Eux sont désobéissants, sont des laxistes, ces gens-là. Ils se croient modérés, ils sont au-dessus de la barre, en dessous de la moyenne. La religion en elle-même, elle est modérée. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui faisait salat au point que ses pieds se déchiraient pour remercier Allah azawajal était l'homme le plus modéré qui soit. Cet homme qui faisait le Qiyam al-Layl et qui lisait surat al-Baqara, qui lisait surat al-Nisa ou al-Imran en seul rakat était un homme modéré. Il était modéré en adoration. Cependant, il était un homme qui était plus fort que nous. Bien sûr, un imam plus fort que nous. Mais regardez bien, il était modéré, regardez ce qu'il faisait. Donc, que dire de nous aujourd'hui? On va se dire qu'on est modéré? Non, on va dire qu'on est très très faible. Extrêmement faible. Malgré cela, il faut rester modéré dans le sens où on fait les choses, déjà les obligations, et on fait des actes surrogatoires en mesure de nos capacités. Comme dans le hadith qu'on a pris la dernière fois de Abu Huraira. Au minimum, si tu peux, tu jeûnes 3 jours par jour. Au minimum, que tu fais au minimum une raka la nuit, au minimum, le witr, ou 3, ainsi de suite, et au minimum, tu fais les salats du Doha dans la matinée. Est-ce que c'est beaucoup? C'est pas beaucoup. Ça, c'est être modéré, à notre niveau. Celui qui peut faire plus, il fait plus. Et celui qui fait moins, on dit que t'as pas de péché, mais tu ne t'auras pas donné les moyens d'avoir plus de force en religion. Vous pensez que ces gens-là qui se disent modérés, les laxistes, ils font trois jours de jeûne par an? Avec le Ramadan, pour la moindre excuse, ils jeûnent pas. Ils disent, la religion elle est facile. Le problème, je jeûne pas. Le moindre problème, la salat, il la regroupe. Même pour rien du tout. Donc, parle même pas de Doha, de Qiyam al-Layl. Ces gens-là, ils le font pas, ces gens-là. Ces gens-là, ils le font pas en général. Et s'ils le font, ils le font une fois, après, ils le font plus jamais de leur vie. Donc, faut pas regarder ces gens-là. L'islam modéré, c'est l'islam sur lequel était le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. Et les meilleures générations de cette communauté. C'est ça, l'islam modéré. Donc, pour vous dire que nous, comme on est loin d'eux, on est très très loin. Très très faible. Malgré cela, il dit quoi le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, dans le nom dans le hadith? Saddidou wa qaribou. Saddidou, dans le sens, faites les choses justement. Faites les choses bien. Et si vous ne pouvez pas les faire comme il se peut, comme il se doit, malgré votre motivation, alors, quand allez-vous, faites ce que vous pouvez de plus proche du bien. Comme Allah Ta'ala, fattakullaha mastata'tum. Et craignez Allah comme vous le pouvez. C'est ça que ça veut dire le hadith. Tu fais les choses justes. Et si jamais elles deviennent difficiles à faire et que tu n'as pas la capacité, alors fais ce qui est le plus proche du juste. Autant que tu peux. Et Allah, il voit l'effort que tu fais si tu es sincère. D'accord? Quand allez-vous. Et après, il a dit dans le hadith, justement, wasta'inu. Ouais, après, il a dit abshiru. C'est-à-dire, si jamais tu agis de la sorte, réjouis-toi, tu auras la récompense qui va venir derrière. Ce n'est pas perdu, et tu n'es pas lésé. La récompense qui va avec, elle va venir en son temps. Tu en verras des fruits en ce bas monde, et tu en verras surtout dans l'au-delà. Et il dit, وَاسْتَعِنُ بِالْعَدَوَةِ وَرَوْحَةِ وَشِمْنِ الدُّلْجَ وَالْقَوْزْ دَلْقَوْزْ تَبْلُرُ. Il dit quoi? En fait, il a comparé une personne qui fait un voyage, et qui fait des pauses, une pause en matinée, une pause en fin d'après-midi, une pause le soir. Il a dit quoi? Et ta destination, tu vas l'atteindre. C'est-à-dire, avance, arrête-toi quand il faut pour reprendre des forces et repars. C'est-à-dire que la religion, elle a un temps. Et un autre temps, il y a un temps pour toi. Et un temps pour les gens. Comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna li rabbika alayka haqqa, wa li jasadika alayka haqqa, wa li ahlika alayka haqqa, fa artikul ladhi haqqin haqqahu. Que ton Seigneur, il a un droit sur toi. Que ton corps, il a un droit sur toi. Que tes proches ont un droit sur toi. Donc donne à chacun son droit. D'accord? Autant que tu peux. Et du mieux que tu peux. Et il n'y aura rien de perdu par rapport à ça. Donc, comment il colle? Ma la yudraku kullu, la yudraku jullu. Tout ce qu'on ne peut pas faire dans ça, dans son intégralité, on n'abandonne pas en plus dans sa totalité. Tu ne peux pas tout faire, au moins n'abandonne pas tout. Fais ce que tu peux faire. Mais fais-le quand même. Fais-le quand même. Et tu verras qu'en faisant cela, comme l'a dit le hadith, tu viendras à destination. Taïeb. Donc maintenant, des gens vont dire qu'ils ont du mal à appliquer les choses obligatoires. Car des gens disent, mais je ne comprends pas, il y a des choses à faire en religion et je n'arrive pas à les faire. je m'efforce de tenter de faire du mieux, je n'y arrive pas. On dit. Et là, ce genre de parole ne vient que des gens qui sont dans des pays comme la France. En pays d'islam, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est parce que le lieu où tu es n'est pas adapté justement pour cela, car à la base, Allah t'a facilité. Comme on dit, on l'a dit dans le DS, que Allah médicose pour te faciliter ta pratique religieuse. Et parmi celles-ci, que tu restes dans un lieu où tu peux le faire justement. C'est en désobéissant à Allah Azawajal que les choses deviennent difficiles. Dans un pays d'islam, faire les salawat à l'heure au masjid, c'est très facile. Pour une femme en pays d'islam, de porter le jilbab shari, c'est très facile. Jeûner pour Ramadan, faire talawah, c'est encore plus facile qu'en France. D'accord? Donc Allah Azawajal, ça va dans le même sens que ce qu'on a eu tout à l'heure. Pour les rendre facile cette pratique religieuse, il te demande d'aller dans un lieu où tu pourras le faire. D'accord? C'est facilité en allant dans un lieu où on peut le faire. Et moi, je me rappelle justement, dernièrement, quand j'étais à Mecca, j'avais rencontré un groupe de frères. Qui étaient, on va dire, débutants en religion. Vraiment. Ils viennent de loin. Des petits jeunes de banlieue. Vous savez un peu l'ambiance. J'ai revu Nasiha, tout ça, et ils disaient, subhanallah. Là, ils étaient à Mecca, ils disent, je me sens tellement bien. Et ça me paraît tellement facile d'aller au masjid, faire mes salawat en groupe. C'est incroyable. J'ai jamais ressenti ça en France. Je lui dis oui. Je lui dis déjà parce que t'es à Mecca, d'une part. Donc c'est sûr que c'est inégalable. T'es pendant Ramadan. Mais aussi, tu es en pays d'islam. Ce que tu fais là, eh ben, lui-même, il dit, c'est trop facile. Dans le sens où ça me paraît pas lourd comme c'était en France. D'accord? Cette légèreté, il l'a trouvée. Toute personne qui est partie faire le hajj ou la umrah ou quoi, ils ont vu la différence. Tous les frères qui vont payer d'islam, ils s'en rendent compte de la différence. Mais seulement, c'est quand ils partent avec une niya de Père Allah Azawajal. J'en connaissais également quand j'étais en France, quand on m'encourageait de partir. Quand ils allaient dans leur bled petit, ils aimaient pas ça. Ils voyaient que les défauts du pays, le comportement des gens et autres. Ça, c'est quand, à l'époque où c'était loin, peut-être même pas dans la salat. Et un jour, alhamdoulilah, ils ont fait les tawbah, ils sont mis droit. Il y en a un, en particulier. Il a décidé de partir dans son pays en Algérie. Il est retourné là-bas. Il a dit, voilà, ça n'a rien à voir. Ma vision du pays, elle a changé. Je vois plus les choses comme avant. Pourquoi? Parce que maintenant, il est parti pour Allah et son messager. Donc de là, il a dit, c'est magnifique. Les gens, je les vois trop gentils avec moi. Je vois que c'est trop facile pour la religion. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que Allah Azawajal lui a changé la vision des choses, car là, il est parti pour une autre raison. Il est parti pour une raison qui est bonne. Contrairement à petit, il allait pour les vacances et pour jouer, peut-être pour aller, je sais pas moi, frimer devant les gars du bled avec les baskets qu'ils avaient, avec l'argent qu'ils avaient, les vêtements qu'ils avaient, Allah Alam. Mais là, quand tu vas pour Allah et son messager, la chose, elle devient différente. Et les facilités. Donc, ça revient au hadith que la religion, elle est facile. Et que les causes, ce que Allah Azawajal te demande de faire, c'est pour te faciliter encore plus ta religion. Dans tous les sens du terme. Et aussi, parmi les gens qui se rendent la chose trop dure, la religion, elle est facile, tout en parlant de la hijra, ce sont ces gens qui s'imposent une destination étroite. Dans le sens, ils disent, moi, si je fais la hijra, je vais aller en Arabie Saoudite. Seulement. On dit, ben non, t'as tort de penser comme ça. Si tu peux y aller, vas-y. Mais tu ne peux pas y aller, tu ne partiras pas. Allah ne t'a pas imposé d'aller en Arabie Saoudite seulement. Il t'a demandé de partir en pays d'islam où tu pourras faire ta religion. T'as des gens, ils ont leur pays d'origine qui est à côté, ils ont toutes les facilités pour y aller, ils n'y vont pas. Ils disent non, moi c'est que tel pays. Si je pars, c'est que dans tel pays. On dit non, t'as pas compris, c'est pas ça la hijra. Et là, en faisant cela, justement, tu te rends la chose difficile. Tu rentres dans le hadith. La shadda hadun ad-din ila rarabahu. Tu vas prendre la religion difficile, au final, tu vas abandonner, tu vas aller nulle part. Peut-être même tu vas finir en Angleterre ou à New York, je ne sais où, Allah, au Canada, plutôt. Ne t'impose pas les choses que Allah ne t'a pas imposées. Si tu peux aller là-bas, tant mieux. C'est mieux pour toi, tu as les moyens financiers. Tu ne les as pas, va là où c'est facile. Et c'est justement qu'en ayant fait cet acte facile, que Allah te faciliterait pour aller avoir mieux par la suite. Et on en connaît plein des frères comme ça, moi, c'est que l'Arabie Saoudite. Je les connais, ça fait des années, 10 ans, ils sont encore en France. Et ils peuvent partir, ces frères-là, aller ailleurs. Mais non. Ils sont fixés ce but-là. Il faut que j'ai de l'argent pour les karmas qui coûtent tant, et ainsi de suite, ainsi de suite. On dit, ça fait des années que tu dis ça, t'es où maintenant? Nulle part. Voilà. Tes frères sont partis déjà dans leur pays d'origine, facilement. Algérie, Maroc, Mali, je ne sais où. Ils sont là-bas, ils tiennent, alhamdoulilah, comme ils peuvent. Toi, t'es encore là, avec l'Arabie Saoudite en tête, dans un rêve, et t'as pas bougé. T'as pas bougé. Pourquoi? Parce que tu t'es imposé une chose qui n'est pas de la religion. tu t'es imposé un lieu qui n'est pas à ta portée actuellement là, et que Allah ne t'a pas imposé de choisir. Donc ça amène à quoi? Est-ce qu'au final t'as abandonné, tu ne pars plus. Tu pars 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, au final t'es encore en France. Voilà, azbillah. Donc, que les frères et les sœurs se facilitent. Choisissez ce qui est à votre portée. Et que par la suite, vous serez facilité. Ne te dis pas, c'est nul là-bas, il n'y a rien. Non. Prends un pays où il y a un minimum de sécurité, où tu verras un minimum de gens que tu connais, bien sûr. C'est pas un pays où tu vas, il n'y a personne avec des moutadis. Ah oui, là, ça, tu vas pas tenir. C'est sûr. Où il y a au moins un petit groupe de gens que tu connais, un minimum. D'accord? Un lieu qui est facile, tu as les moyens de pouvoir partir. Et facilite-toi. Et tu verras qu'Allah mettra la baraka par la suite. Aussi, des gens vont dire, mais, Tayyib, c'est quoi le rapport entre ce hadith et le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah, Al-Yati Zamanun, Al-Nas, Al-Qabid, Al-Adinik, Al-Qabid, Al-Jamra, qui viendra un temps sur les gens où celui qui sera accroché à la religion sera comme une personne qui tiendra une braise incandescente dans la main. Si la religion est facile, pourquoi serait aussi dur? On dit parce que la religion, elle est facile, mais ce qui va la rendre dure sont les épreuves des gens autour de nous, qui eux, justement, ne sont pas dans la religion, ou alors qui n'appliquent pas bien la religion. Comme quoi le Ta'ala, وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Nous avons fait certains d'entre vous, pour d'autres, une tentation, une épreuve. Allez-vous donc patienter? La religion en elle-même, elle est facile, mais les autres vont te la rendre compliquée. En France, les koufars te la rendent compliquée. Dans les pays d'Istiqama, les pervers te la rendent compliquée. Dans les pays de Rim, les jouets te la rendent compliquée. Mais de base, la religion, elle est facile. Mais il faut l'appliquer. Après, t'en as d'autres, ils ne seront pas comme toi, et eux vont te rendre la chose difficile. Des fois, pour toi, elle est facile, pour ta femme, elle l'est pas. Tu seras éprouvé à la maison par ta femme. Pour toi, elle est facile, pour ton mari, elle n'est pas. Ton mari sera une épreuve pour toi. Pour toi, elle est facile, pour tes enfants, elle ne l'est pas. Tes enfants sont une épreuve pour toi. Parce que quoi qu'il en soit, tu seras éprouvé. Là, on parle de la religion, ses règles, ses rites, obligations et autres. À côté de ça, il y a des choses que tu vas forcément subir. Mais ces choses-là ne vont pas t'empêcher de faire ta salat. Elles vont pas t'empêcher de faire ton siyam. D'accord? Elles vont juste t'empêcher d'avoir une certaine saveur dans le goût de la dunya. Ça va être ça, en réalité. Mais religieusement parlant, ton rapport entre toi et Allah Azawajal, il ne sera pas perturbé par ces gens-là. Au contraire, peut-être même ces épreuves-là vont te forcer à faire plus d'efforts et vont te rendre meilleur. Comme il fait rapporter de l'imam Ibn Taymiyyah, il a dit que un bienfait qui te donne d'Allah, un malheur qui te rapproche d'Allah est meilleur qu'un bienfait qui t'en éloigne. T'as des gens, ils ont des richesses qui leur viennent, à côté de cela, ils sont éprouvés, ils sont loin d'Allah Azawajal. T'en as d'autres, ils sont touchés par des fléaux, des malheurs, des épreuves, qui font qu'ils se rapprochent d'Allah Azawajal. Qu'est-ce qui était mieux pour lui? C'est le malheur qui a été mieux pour lui. Pourtant, ce malheur-là, il est amer. Alors que l'autre, il est savoureux. Mais il t'a éloigné d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le deuxième, il est amer, mais il t'a rendu plus fort et meilleur. Donc c'est lequel qui est meilleur pour toi, en réalité. Donc ce côté amer, il va te rendre que la fermeté en religion te sera plus dure. À cause des épreuves et des autres. Mais la religion en elle-même, elle est facile. Mais Allah Azawajal n'a pas voulu que tout le monde soit guidé. Donc, cette absence de guider pour les autres serait une épreuve pour toi. Sache-le. Non. Attends, je voulais prendre notre hadith, mais vu qu'on a ça, j'ai un peu tardé. On va s'arrêter là aujourd'hui. Biznillah Ta'ala. Et on prendra le prochain hadith dans le prochain dirs Biznillah Ta'ala. Parce qu'il y a une coupure qui a été un peu longue. Et Tayyib, donc on va se contenter de cela aujourd'hui, en espérant que cela aura été clair. Tayyib, donc ce qu'il faut retenir, c'est que la religion, elle est facile, et que ce qu'Allah Azawajal nous a donné comme rite et comme obligation, les unes nous aident à appliquer les autres. Les unes ne vont pas sans les autres. D'accord? Tout cela est un tout. C'est un tout pour rendre la chose facile. Celui qui prend partiellement, elle sera difficile pour lui. Celui qui prend tout ensemble, il sera facilité. Biznillah Ta'ala. فنكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين